Vive le vent d'hiver. Et ça c'est pour nous.

scintillant, la neige d'argent, Noël, mon beau rêve blanc. Oh, quand j'entends sonner au ciel, le roule-pont vient descendre, je revois dans tes yeux. D'autres Noël blancs. Oh, quand j'entends chanter Noël, j'aimerais voir mes joies d'enfant. Le sapin scintillant, la neige d'argent, Noël, mon beau rêve blanc. Enfant.